qui agaçant, femme qui tout mari yo pas qu'à laisser yo, femme qui tout, femme qui agaçant, femme qui tout mari yo pas qu'à laisser yo.